La période des fêtes est maintenant chose du passé. Partez l'année du bon pied chez Canadian Tire avec le tapis roulant en solde à 549,99 $. Un rabais de 70%. Panneaux solaires de marque Cristallin avec rabais de 330 $. Bac emboîtable à 50%. Les employés du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent une bonne année et beaucoup de santé. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. On va parler de tennis. On va parler avec notre amie Caroline Delisle. Caroline qui est certainement au courant des performances de la semaine dernière très exceptionnelle de Bianca Andreescu. Battre Carolina Wozniacki, battre Venus Williams et se défaire de la 28e tête de série, c'est pas rien non plus à seulement 18 ans. On en parle avec Caroline Delisle. Salut Caroline! Oui, bonjour. Caroline, on la connaît, Bianca Andreescu est venue, même, je pense, l'an passé, elle était même à Saguenay, je pense, même au dernier tournoi? Oui, les trois dernières années, Bianca était ici à Saguenay. Donc, l'année dernière, elle a dû s'incliner en demi-finale. Là, elle a perdu par forfait là, au troisième set pour des douleurs au dos. Bon, les fameuses douleurs au dos là, qu'elle ressent assez régulièrement. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, l'année d'avant ou l'autre année, elle avait fait la finale. Ouais, il y a trois ans, elle avait fait la finale. Donc, elle performe toujours très bien ici. Là. Fait que c'est sûr que, bon, écoutez, ce qu'on voit là, d'elle présentement, ben je pense que quand elle est en santé et elle est en possession de tous ses moyens, elle peut nous livrer de très bonnes performances. Puis, c'est ça qu'on a vu au tournoi là-bas en Nouvelle-Zélande. Là. Donc, c'est très positif. Là, dans seulement 18 ans. Est-ce que c'est une joueuse de tennis qui est pas grande, par contre? Est-ce que ça peut lui nuire? Ben, pas vraiment. Là. C'est sûr qu'elle est quand même très puissante compte tenu de sa petite taille. Là. OK, donc elle compense par ça. Mais oui, puis elle est très, très agile. Hein, elle a de très bonnes qualités athlétiques. Là. D'ailleurs, elle fait le grand écart assez souvent. Bon, c'est peut-être ce qui explique aussi que des fois, elle est plus souvent blessée là, qu'à son tour. Là, on a vu encore un bandage à la cuisse, bon, des douleurs au dos. Fait qu'on va espérer, en tout cas, dans son cas, là, qu'elle va pouvoir maintenir la forme parce que, bon, c'est certain que si elle fait pas ça, ça va être plus difficile pour elle de continuer son ascension vers les sommets. Mais disons qu'en tout cas, elle performe bien, puis c'est le fun de voir ça, là, autant chez les hommes que les femmes là, au niveau canadien. Ben oui. Là, c'est positif. T'as parlé de grand écart, puis ça peut favoriser des blessures. Est-ce que ça se corrige? Ben, c'est-à-dire que non, c'est un plus pour elle d'être capable de faire le grand écart, parce que c'est justement, elle est capable d'aller chercher des balles, là, des balles qui sont très loin, donc en s'étirant, elle a une bonne défensive. C'est un plus pour elle. Là. C'est certain d'être capable d'aller chercher des balles qui sont très loin. Donc, elle est très souple. Hein, donc, c'est sûr que la personne qui l'accompagnait présentement en Nouvelle-Zélande puis en Australie, là, c'est Virginie Tremblay. C'est elle qui s'occupe du conditionnement physique là, des athlètes au niveau national. Elle est suivie de près justement là en raison de ses blessures et tout pour justement l'aider là à mieux récupérer là entre les matchs et entre les tournois. Donc je pense que de ce côté-là, en tout cas, ça peut être bénéfique pour elle. Là. OK. Virginie Tremblay, c'est une fille de la région, non, par exemple? Oui, je crois que son père vient de la région. Donc, ah, OK. Elle est, bon, elle a toujours, je pense, resté à Montréal, mais okay. Parce qu'elle a de la parenté dans la région. Là. OK. Mais dis-moi, écoute, on savait que c'était de toutes les joueuses de tennis canadiennes, on savait que c'était la plus talentueuse. C'était juste les blessures. Est-ce que tu penses qu'à 18 ans, ça va quand même, ça va lui donner beaucoup de confiance? Ou les joueuses, parce que c'est un tournoi que les joueuses doivent prendre au sérieux, parce qu'on est déjà à la préparation d'un grand chelem, là. Oui, c'est certain. Là. Bon, à 18 ans, elle était déjà quand même dans les meilleures joueuses juniors au monde. Ouais. Donc, elle fait pas mal, un petit peu le même chemin là, qu'Eugénie a fait. Bon, c'est sûr qu'Eugénie a beaucoup de talent aussi. On a deux, trois bonnes joueuses là, qui sont, tu sais, on a, tu sais, Sebov qui avait gagné ici à Saguenay aussi. Il y a beaucoup de bonnes jeunes canadiennes, 18, 19 ans, tout ça. Fait que je pense que c'est positif pour l'avenir. Puis écoutez, Bianca là, est en pleine ascension, là, 107e au monde avec le nouveau classement. Elle va pouvoir là, justement profiter de ce classement-là pour jouer des plus gros tournois, puis continuer de voir monter. Je sais que d'ici la fin de l'année, elle voulait être dans le top 50. c'est quand même un gros objectif. Mais bon, si c'est en santé, on ne sait pas hein, qu'est-ce qu'elle peut faire. Mmh. Même le match de finale, je pense qu'elle n'avait pas eu bon les maux de dos qu'elle a eu. Ouais. Parce qu'elle a quand même joué 9 matchs en 8 jours, je crois, ou quelque chose comme 8 matchs en 9 jours, ce qui est quand même énorme dans la chaleur et tout. Puis elle n'est pas quand même habituée à ça non plus, là, de jouer là, dans la cour centrale devant des grosses foules. Mm. Des fois, on joue des tournois où est-ce qu'il y a moins de monde, on joue sur des plus petits terrains. Fait que là, c'est ce qu'elle va vivre aussi avec les qualifications en Australie là, pour l'Australian Open, parce qu'elle risque de jouer sur des plus petits terrains qui sont à l'arrière du stade avec bon moins de gradins et tout. Fait qu'il faut être capable hein, de d'une semaine à l'autre de composer avec ça. Puis ça joue aussi au niveau de la motivation, parce que des fois, c'est pas toujours évident. C'est sûr que quand il y a plein de monde qui te regarde, qui t'applaudissent, ben, c'est toujours plus motivant aussi. Mais il faut être capable aussi de jouer là, quand il y a moins de monde, puis quand le match n'est pas nécessairement à la télé ou bon, peu importe. Ouais. Mais ben, c'est ça. On va espérer en tout cas qu'elle puisse se qualifier, parce que si elle se qualifie en Australie, ben, elle va accéder au tableau principal. Puis après ça, ben, elle est sur une belle lancée, là, tout en confiance. Puis tu sais, quand tu bats des championnes comme elle a fait, elle a quand même battu deux ex-numéro un mondial, là, Wozniacki et Williams. Oui. Donc, c'est pas rien. Là. C'est qu'au niveau de la confiance, c'est sûr que ça va l'aider énormément. Parce que tu sais, des fois, tu peux penser que oui, tu as des chances ou tu peux battre telle joueuse, mais quand tu le fais, ben là, c'est là aussi là, que, bon, tu sais, je pense que c'est important qu'elle garde les deux pieds sur terre puis qu'elle savoure ce moment-là. Mais après ça, il va falloir qu'elle continue à travailler fort si elle veut justement continuer à grimper au classement et tout. OK. Si on parlait maintenant d'Eugénie, Eugénie qui a gagné en double, c'est-tu moi où je pense que c'est encourageant depuis à peu près, depuis la fin de l'année passée puis le début de cette année? Tu sais, à partir de 180e, puis là, il est rendu quoi? J'ai oublié de regarder le tableau hier. Je me suis qu'à monter. 80 environ. Ouais. Aux alentours de... Oui, c'est très bien. Ben là, vous savez que depuis quelques mois ou quelques semaines, en tout cas, c'était pas si longtemps, mais elle est entraînée par Michael Joyce, qui est l'ancien entraîneur de Sharapova et de Jessica Pegula. Et puis depuis qu'elle travaille avec lui, ben, disons que ses résultats sont très positifs. Là. Fait que je pense qu'avec Michael Joyce, en tout cas, il a l'air d'avoir une belle chimie qui s'est installée là, entre Eugénie et lui, là, parce que depuis qu'elle est avec, en tout cas, j'ai pas vu sa fiche, là, mais disons qu'elle a une fiche très positive. Là. OK. Mais je pensais, mais écoute, on dira ce qu'on voudra, le fait de jouer en double aussi, ça l'aide beaucoup, là, parce que souvent, au cours des dernières années, elle joue en simple à partir dès le départ. Le jouer en double, ça lui fait jouer plus de matchs de tennis. Là. Donc, elle peut corriger ça. Oui, c'est certain. Puis là, faut pas oublier non plus, oui, elle a gagné en double, mais là, elle a quand même perdu en quart de finale contre Georges, qui a gagné le tournoi, qui était la septième de l'année dernière. Puis elle a perdu 7-6 dans le troisième set. Je crois 8-6 au bris. Là. Donc, c'est sûr qu'elle était à un cheveu là, de pouvoir peut-être gagner puis faire les demi-finales. Bon, et qui sait la suite, là, elle aurait pu peut-être gagner le tournoi. Fait que non, je pense qu'elle joue de l'excellent tennis. On va voir si elle est capable de continuer sur cette lancée-là. Puis, c'est ça. Mais je pense qu'elle est plus en confiance aussi, puis elle est plus souriante. Fait que c'est certain que jouer en double puis de gagner, ça peut donner un petit boost de confiance aussi. Là. OK, OK. Hey, Marie-Alexandre Leduc, j'ai vu ça dans le quotidien au cours de la période des fêtes. Elle est venue dans la région cette semaine. Ça a l'air à bien aller pour Marie-Alexandre Leduc, hein? Oui, oui, ça va bien. C'est ça, j'ai lu le même article que vous. Là, c'est ça, là, quand même gagner un gros tournoi en double, là, qui est championnat universitaire. Donc ça, c'est très positif pour elle. En tout cas, c'est ça, on suit ça un petit peu à distance, mais c'est ça, je crois qu'après son stage universitaire, elle voulait peut-être revenir là, justement au Québec, puis bon, peut-être pour y travailler. Puis elle n'a pas écarté non plus la possibilité de faire un retour sur le circuit la WTA. Donc, en tout cas, elle garde les portes ouvertes, puis on va voir. Elle n'était pas classée, sa WTA? Ben oui, là, mais ça, c'était avant d'aller à l'université. Là. OK. C'est un classement qui était quand même assez loin parce qu'elle n'a pas fait quand même tant de tournois que ça. Puis à ce moment-là, ben, elle faisait des tournois juniors aussi. Là. Elle était comme plus amateur, si on veut. Ouais. Mais, DF, qu'on appelle. Elle avait fait quand même des. Ouais, c'est ça, mais elle avait quand même fait des certains challengers. Là. Fait que si elle avait un classement, c'était quand même, bon, peut-être plus proche de tu sais, 800, 900 ou en ce bout-là. C'est ça, là, quand même un beau potentiel. Puis, c'est ça, là. Si elle réussit à bien performer au niveau universitaire, ben, puis se maintenir dans les meilleurs, ben, c'est certain qu'elle va peut-être vouloir justement s'essayer, là, sur le circuit pour c'est ça, là, continuer peut-être sa carrière. OK. Caroline, on se parle aux internationaux d'Australie. Parfait. Voilà, Caroline Delisle, notre spécialiste de tennis.